dans l'espace, Rikiki. Tu te ramasses à nouveau le plus pourri des robots. Toi, Bitorak, prête à tous les accros. Shimout, qui te porte, a le cœur si plein d'orgueil, l'orgueil du rôle de chef, qu'il veut de toutes ses forces garder. Bi-bi-bi-torak. Et ton carton perméable. Bi-bi-bi-torak. Et ta peinture pitoyable. Bi-bi-bi-torak. Ton ennemi éternel est foutu. Bi-bi-bi-torak. Et l'arax est sans pitié. Bi-bi-bi-torak. Rien ne pourra l'arrêter. Bi-bi-bi-torak. Et à la fin il sera torché. Entre deux poubelles rack. Ton bito canon vaincra, personne ne s'opposera à l'ultra dash que tu imposeras. Sur la terre cramoisie, tu t'emplâtres à nouveau le plus pourri des robots. Toi, Bitorak, face aux sbires du chaos. Bi-bi-bi-torak. Ton chante avec des poils. Bi-bi-bi-torak. Et ton cockpit lamentable. Bi-bi-bi-torak. Ton ennemi éternel est foutu. Bi-bi-bi-torak. Et la rax est sans pitié. Bi-bi-bi-torak. Rien ne pourra l'arrêter. Bi-bi-bi-torak. Mais à la fin il sera torché. Les ennemis t'auront pas. Tu les briseras comme des noix. Leur voix tu exploseras. Et tu leur échapperas. Bi-bi-bi-torak. Et ton carton perméable. Bi-bi-bi-torak. Et ton cockpit lamentable. Bi-bi-bi-torak. Ton ennemi éternel est foutu. Bi-bi-bi-torak. Ton short avec des poils. Bi-bi-bi-torak. Et ta peinture pitoyable. Bi-bi-bi-torak. Ton ennemi éternel est foutu. Bi-bi-bi-torak. Bi-bi-bi-torak. Bi-bi-bi-torak. Bi-bi-bi-torak. Bi-bi-bi-torak. Ton ennemi éternel. Ton ennemi éternel est foutu. Bi-bi-bi-torak. Et la rax est sans pitié. Bi-bi-bi-torak. Rien ne pourra l'arrêter. Bi-bi-bi-torak. Mais à la fin il sera torché. Bi-bi-bi-torak. Bi-bi-bi-torak. Bi-bi-bi-torak.